70% pour 100%. J'aurais sur classable le moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, j'avoue présentement 70%. Bonne écoute. 70% pour vous. C'est-tu qu'on est tête? Salut tout le monde, c'est Tommy Godette, animateur principal, parce qu'il y en a plusieurs qui ont essayé de me battre là-dessus. La montagne est petite, le top, je le prends. À chaque lundi, il faut se battre. Hein, Étienne? Certain. Toi, t'as appris à garder ton trou. Étienne Forêt, sous-fifre en chef. Étienne, t'es tout le temps là pour me mettre en valeur. Hein? Ben, c'est mon seul but, Tommy. Et voilà. Donc, on est équipé pour un 70% qui vaut la peine. Vous vous êtes pas déplacé pour rien jusqu'à votre ordi. Ça fait changement. Moi, Non, je t'ai pour demander, est-ce qu'il y en a qui pèse pause pour aller sur d'autres sites, des fois en écoutant 70%? J'espère qu'il y en a. Et puis là, j'avais comme une idée de la qualité de site en arrière de la tête. Et là, j'étais en train de juger mon auditoire comme des gens qui faisaient des affaires sur le bord comme ça, le tente. J'étais fier. Hey, sinon, ben, il y a Étienne Forêt. Étienne, c'est quoi ton spécial aujourd'hui? Cette semaine, on va faire un top 7 des meilleurs covers de la toune de la pub d'Hôtel Espresso. Ben, tu sais. Beaucoup plus que 7. J'en ai sélectionné les 7 meilleurs. Tu veux dire, il y a des gens pas d'orgueil dans d'autres pays qui ont repris la toune à l'Hôtel Espresso, sans créditer l'Hôtel Espresso. Ouais, étonnamment, d'ailleurs. Et voilà, donc, on est outré. Déjà, l'émission commence. Outré, Segway, Mathieu. Ah, ben, c'est comme ça. Et voilà, j'ai entendu dire, je peux-tu dire, j'ai oh, oui, trois pages, t'étais... Trois pages ce soir. T'es en feu à ce moment-là, ouais, je te on révèle, va avoir un bloc boudreau, genre. Ouais, moi, je te révèle, en fait, pourquoi ça va mal et que c'est la fin du monde. Ah bon, enfin, et voilà, restez pluggés, tout le monde veut c'est savoir. C'est une de mes plus vieilles chroniques, ça fait quatre fois que je la fais. Voilà, ben, tant que c'est pas su, c'est correct. Ben voilà. Et voilà. Sinon, ben, on a aussi David Saïd, pour ceux qui étaient là avant les vaches tantôt. J'en ai parlé, David Saïd qui revient parce qu'on s'en fout la coupe chose, là, avec Étienne qui l'a dit, oui. Tous les mariages sont bons, ça l'a dit. Oui. Et voilà, Pastafarien, il en prend. David Saïd qui entre en studio, qui se sent interlopé. Interlopé, hein, c'est pas ça, hein? Ouais, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas interloqué, ça. Interloqué, je dirais. Ah, ouais, c'est ça, interloqué. T'étais pas loin, là, c'est une lettre de différence, puis juste après. Puis ça inclut du négatif aussi, mais c'est comme un contre-pétri qui en est pas une. Je viens de réinventer une figure de style, mesdames, messieurs. Alléluia. Non, tout ça pour dire que David Saïd est avec nous pour nous parler de ce qui se trame au Brésil. On a eu la Coupe du Monde la semaine passée. Et je me demande ce que ça va donner cette semaine. Il reste de la place en studio. Si vous êtes dans le coin et vous voulez venir nous voir, on est très content d'avoir des invités. Sinon, le film qui a été voté au www.douteux.org, c'est l'excellente dramatique de Jeannette Bertrand. C'est L'amour et la différence. Ça inclut un noir qui n'aime pas les nains et un nain raciste. Et les deux vont vivre dans un 3,5. Et le nain va vivre dans la demi, je me dis. Oh, oui, voilà. Je ne comprends rien un à petit ce. Peu avant Dominique et Martin, on est en train d'inventer le concept du petit qui dit au gros qui est gros et du petit qui dit au petit qui est gros avec le gros qui dit au petit qui est petit et le gros qui dit au gros qui est gros. On se rappelle, ça a été la révolution dans le domaine de l'humour que Dominique et Martin nous ont apporté. C'est vrai. Mais dans le fond, donc, on voit qu'ils ont emprunté ça à Jeannette Bertrand. Et finalement. En tout cas, Jeannette est mère de tous les vices, voilà, diront qu'est-ce certains. Qu'est-ce qu'elle a pas inventé. Et hein? Voilà. Sinon, ben, on a un invité aussi spécial, c'est Yannick J'ai failli dire. Hé, Kim, on a passé 15 minutes là-dessus. Eh, bateau, je suis pas bon avec ces affaires-là. On a un alias, il est allé se déguiser en douchebag. On va l'avoir à 70%. On parlait des vraies valeurs. Sinon, en attendant, comme vous êtes au courant, douteux.org, c'est une grande feuillage, foliage même. T'sais, on est très reliés. Et ça, ça fait qu'on a des bénévoles qui participent à l'émission sans prendre la peine de se déplacer. On est très contents. Et là, on s'en va écouter. C'est Simon Préjean. Créateur de sens et de contenu, plus de contenu que de sens, des fois, qui va nous lire une autre de ses lettres du secondaire, que me semble ça fait féerique hein, de garder ça. Peut-être que moi, je suis jaloux de jamais l'avoir vraiment eu. Ouais, ouais. Fait que ça a l'air que c'est une. That's a thing. Hein. Israël, il y a un gros côté féminin assumé. Prêtre, il est comme tout le temps en train de sublimer, peut-être. Ouais, probablement. On va parler de Prêtre pendant qu'on écoute ça. On revient en studio avec Yannick. Pas de nom de famille. À 70%, c'est gros show. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Bienvenue à la chronique des lettres du secondaire de Simon Prêtre. On va piger dans le bol de eggnog la lettre de cette semaine. C'est toutes des vraies lettres de mon secondaire. Je n'ai rien inventé. Je garde tout, donc je vais tout garder ça. Pas Julie, on a eu une de Julie déjà là. On a une ici, bon parfait ça. C'est drôle, elle s'est pliée différemment hein? On a une espèce de, je sais pas trop là à Simon de Viviane. Comme ça, hey boy hein? En tout cas. Bon, Viviane, qu'est-ce qu'elle, oh elle écrit gros elle, on aime ça. C'est moins compliqué, je cherche moins là. Ça va être compliqué à ouvrir, par exemple. Ah, pas trop long, ça s'arrête. Bon. Salut Simon, comment va la vie? Moi, disons que ça pourrait aller mieux. Là, j'ai pas grand temps parce que la cloche va sonner. Voici un petit questionnaire. Oh God. Un, c'est C, dans le sens de C'est, mais là, c'est C-S-E, accent aigu. C'est quoi ton numéro de téléphone? C'est quand ta fête? T'as quel âge? C'est où t'habites? Je t'écrirai une autre fois. OK? Ciao, ciao. Ta friend. For Vivi. Gros bisous. Trois becs et trois corps. Entre parenthèses, un ami. Bonne chance avec un cœur plein de dessins, là. Fait que je présume que c'était une nouvelle flamme, une nouvelle amie. Est-ce que c'est resté une amie? Pourquoi on me demande tout ça si c'est pour être amie? Eh hey boy, celle-là, je serais jamais capable de la replier, par exemple. Ah! Attends! Écolique. Ça, eh! On va l'avoir, ça en vient. Bon, ben, Viviane, je sais pas si je t'ai déjà répondu, j'espère que oui. Sinon, les informations, de toute façon, sont sûrement plus bonnes. Et merci pour ton originalité de pliage. À la semaine prochaine. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. 70%. Est-ce que tu te souviens la dernière fois que tu étais entré en onde et que quelqu'un a fait un jeu de mots astucieux comme moi je viens de faire offline? Non, je me souviens pas. Exactement. Vous avez manqué quelque chose de génial. Je suis avec Yannick. Salut. Yannick, toi, tu es un animateur de radio professionnel. Tu fais ça? Je l'ai fait au niveau professionnel. Et voilà. Là, je le fais au niveau, même pas, c'est, j'appelle pas ça du niveau amateur, j'appelle ça du niveau pour le fun. Du niveau pour le fun. Oui, oui, c'est un trip. Mettons la radio dans un ring contre la TV, qui c'est qui gagne? La radio. La radio gagne... En combien de rounds? Pourquoi? Deux rounds. Technique ou... AM ou PM? Non, cadre plus capable de bouger, on le sort en civière, ambulance pis tout, là, c'est KO grave. Oui. Oh, oui. Il y a un avantage à la radio que la télé aura probablement jamais ou ne pourra jamais, jamais, mais jamais avoir, c'est l'instantanéité, la spontanéité. Le fait que tu puisses te revirer sur un dissent, passer d'une émission à « Ouais, moi j'ai entendu ça là, aux nouvelles, là, pis je suis pas content, toi qu'est-ce que t'en penses? Ah, pis moi... » Et il y a un tremblement de terre et arriver avec des spécialistes, des discussions sur le sujet, essayer d'avoir des nouvelles. La télé est pas capable de faire ce genre d'affaires-là. La radio est tout le temps en live ou presque? Oui, c'est ça. Quand il y a quelqu'un au micro, souvent, c'est il y a des stations qui se spécialisent justement dans avoir du monde où est-ce qu'il n'y en a pas. Comme ouais. exemple, Cogeco ont une animatrice ou un animateur la nuit. Il n'y a personne vraiment qui a ça. C'est tout du pré-enregistré ailleurs. Les voix, ouais. c'est pas ben, triste. La télé, c'est plate, mais la télé, c'est plus formaté. Puis c'est exactement. Par contre, ici, il faut mettre un bémol. La télé, comme on fait ici, peut tasser la radio. Oui, la web TV, c'est pas de la TV. Non. C'est ça. C'est exactement. C'est un trip. C'était que la question que je voulais te poser après. Là, okay. Là t'étais lancé en estime. Oh, oui, oui. Ben, là, tu m'ouvres la porte, hein. Je rentre dedans. Ah, ouais, c'est bon. Mais tu sais, il n'y a rien qui empêche monsieur Étienne. C'est bien ça. C'est ouais. bien ça, oui. Étienne, excuse-moi. La blanche a fait un petit peu son effet. Mais il n'y a rien qui l'empêche de prendre cette caméra-là, lui-là, puis de partir dehors pour aller faire une interview parce qu'il y a un accident dans la rue, là. Exactement. Ouais, ouais. Oui, ben on a, en fait, c'est un petit peu ce qui explique que maintenant, tous les journaux coupent partout et qu'il y a une recrudescence, je dirais, pas saine, de journaux parodiques. Là. À un moment donné, on sait plus trop c'est quoi qui est vrai. Et je pense que l'industrie, parce qu'il y a des méchants, il y a des gens qui profitent du fait que l'information est plus accessible et plus gratuite. Il y a des gens qui profitent de ça. Et les méchants ont compris que maintenant, le truc, c'était juste d'ensevelir tes erreurs ou d'ensevelir tes informations. Le problème, c'est pas que si tu mets quelque chose sur le net, ça va être perdu. On en parlait d'ailleurs avec Mathieu Saint-Onge la semaine passée. Le problème, c'est pas que si tu mets quelque chose sur le net, à un moment donné, ça sera plus là ou de garder le contrôle si c'est là. C'est que t'es juste mieux de produire un clip qui vaut plus cher qui porte le même nom. Là. Nous, on a cherché Electra avec Shannon Tweed pendant des années parce qu'ils ont sorti un film qui s'appelait Electra avec Jennifer Garner en 2004. S'il n'y avait pas eu ce film-là, ça n'aurait pas été la même quête. Et ça je pense, c'est fondamental dans la donne culturelle qu'on est en train de vivre présentement. Et d'ailleurs, on est en train de flooder vos ondes. Vous nous écoutez. On prend de la place. Étienne est là. Hein, Étienne? Je suis tellement là. On nous écoute en Gaspésie présentement. Salut Sainte-Anne-des-Monts. Salut par chez nous. Et voilà, représente le ghetto. Hein. J'ai hâte à la paix à Sainte-Anne-des-Monts. Ah oui, crois-tu en ça, toi, le roi Enoch? Le roi quoi? Non, ok, c'est bon. T'as-tu comme une star du web québécois que t'aimes bien gros? T'as-tu un préféré du web québécois? En fait, non. Moi, les histoires de stars du web, j'ai vraiment jamais accroché pour ça. C'est peut-être parce que j'en ai vraiment jamais été une reconnue. Mais j'ai... C'est une frustration. C'est trippant, tu le vois. C'est le fun une fois. Mais c'est quoi déjà... Voyons, pas mon père est plus fort que le tien, là, mais... Mon père est riche en tabarnak. Hey, non, le gars, il était rendu à faire une tournée des bars, pis tout, pis... Wow, man, le gars, il a pété une coche bien sous devant une porte de bar, là. Et voilà, ça en fait, aussi... pas grand-chose. Ouais, non, à faire la qualité du contenu et du contenant, tout est relatif. Fait que non, j'ai pas de star en particulier, j'aime ça bâcher sur mais, tout mais le nous, on est des stars aussi du web. Toi, t'es rendu une star, t'es à 70%, comment tu vis avec ça? C'est pesant, mais... Fait que là, tu viens de me dire que tu te bâches dedans. Je vais faire des chest bras, puis c'est ça. OK, c'est bon. Il dit qu'il est capable. Sinon, ben là, on voit, il y a comme une adresse de radio. Tu fais de la balado... Oui, ben il y a diffusion. On peut la voir apparaître. Ah oui, on la voit. OK, on la voit pas là. Ouais, ah, on la voit. Déjà, on la voit. On poursuit. C'est ça, oui, c'est un podcast. C'est un trip que je fais. Je me branche avec mon micro et mon ordinateur. Soit que je me jase pendant un certain nombre de temps, soit que je jase avec quelqu'un d'autre. J'ai été au CRTQ il n'y a pas longtemps, je vais y retourner faire des enregistrements avec des étudiants. Éventuellement, ça, j'en ai parlé dans Parlons Balado la semaine passée, je veux faire du podcast comme l'emmener dans une maison de jeunes, un centre culturel où est-ce que, pas sortir des jeunes de la rue, mais tu sais, tant qu'à triper, venez donc triper en même place. Pis, oh, ouais, tu peux partager tes émotions anonymes à qui que ce soit. C'est ça. Fait que viens, c'est du contenu, je pense, de qualité. C'est très pédagogique à quelque part de travailler comme ça. Oui, ben j'aime ça, faire de la pédagogie un peu en même temps. Pas montrer le métier en tant que tel, mais allô! Ah oui, avec les bulles qui montent, c'est j'aime ça. Et puis là, toi, tu prends, t'as encore un intérêt pour le sport professionnel, ça. Oui, un maigre intérêt. Die non, dans hard. Le fond, je l'ai mis, c'est parce que je bûche beaucoup sur le maire la bombe depuis quelques temps, surtout sur Twitter, et je l'ai passé au cash un peu dans mon podcast. Pas rien de méchant. Donc, je me suis dit, je vais mettre le chandail de mon équipe favorite à vie. Je suis un fan fini des Nordiques. Moi, quand j'étais jeune, j'étais en forme parce que mon père prenait pour le Canadien, moi, je prenais pour les Nordiques. Mais on gageait des push-ups et des set-ups. Joe Sakic. Oh, fait que t'as ouais. Moi Joe Sakic fait partie de mes idoles depuis toujours. Et c'est que on assiste à quoi? À de la bédaine pour rien? Oh, Joe Sakic, respect. Yeah. Et bon, c'est bon. Captain Joe. C'est lui qui m'a appris à être un homme parce que lui, tu sais, si tu veux être un bon capitaine, faut que tu sois capable de faire ce que tu demandes aux autres. Effectivement. Ou si t'es pas capable, ben, c'est correct. Mais en tout cas, lui était hot à Ça, c'est du propos tranché de rien. Mettez ça sur ma tombe. Ça part le débat. Si m'en laisse le monde, t'es capable de le produire. Tu sais, m'as-tu carré un point, mais là, en star, regarde, score-moi le point. Je me trouve tellement Monsieur Miyagi-esque. Toi, t'as une citation de personnage de film comme ça que t'as trouvé le fun. Une citation? J'aime ça, moi, poser cette question-là. J'en ai deux, trois aussi préfabriqués. En fait, ça m'a un peu traumatisé. Laver... frotter. Lustré. Laver. Et frotter. Fait que là, t'es allé dans le folder, Monsieur Miyagi, que je venais juste d'ouvrir, mais j'aime ça. Ça veut dire qu'on se parle. Pas pis t'écoutes. Ah non? Ah ben. Toi, tu parlais d'un autre film? Non, mais je parlais de Monsieur Miyagi dans Karate Kid, là. Ben mais oui, c'est ben juste. Ben oui. Ok, je pensais, parler un folder sur l'ordinateur. Je m'avais dit, voyons, j'ai pas regardé là. J'ose, là. Ok. Allez, ouais, là. C'est de la métaphore, tu sais. Ben, qu'est-ce que tu joues-tu à Magic? Non, je suis pas un fan de Magic. Fait que merci beaucoup d'être passé, Yannick. Ça a été très plaisant de t'avoir. Il y a une adresse en bas si on veut te suivre. Oui. Balado Diffusion, ça vaut la peine. Balado0420.netna.net. Cherchez ça sur Google, c'est comme mon nom d'utilisateur partout sur les réseaux sociaux. Et voilà. Sur iTunes. Sinon, ouais. Ben, on t'a vu à quelques événements douteux ces derniers temps. On est très contents. Oui. On espère te revoir là. On va s'en aller au brouhaha tantôt. Tout le monde ensemble. En attendant, on va aller écouter quelque chose qui s'appelle Désinformation. C'est fait par notre ami Marc-André Brûlé, qui est lui. Lui aussi un petit peu comme Predge, quelqu'un. Marc-André Labelle, attention. Ouais, ouais. C'est tout le temps ça. Mais il existe Marc-André Brûlé. Ben oui, c'est Marc-André ça. C'est Labelle. Ça, c'est pas pareil. Salut Marc-André. Labelle Brûlé. Là-dessus, je l'ai eu. La prochaine fois, je vais farmer ma gueule avec le nom de famille. On écoute ça, puis on revient avec, j'ai l'impression que ça va être Étienne Forêt, parce que j'ai bien hâte d'entendre son spécial sur les vraies valeurs. Fat, hungry bitch, fat, hungry bitch, fat, hungry bitch, Look at that bitchy. Ooh. Fat homie bitch. That's a fat homie bitch. 10, 10, 10, 10 twinkles on a titty bitch. She got the deep fried chicken wing necklace. Hot dogs in the motherfucking pocket. Watch her smack her lip while she eating jerky legs. Eating all night, giving me that hot steak. When she fought real gross, I be smelling it. Smell stale than a motherfucking puffer fish. Gold leather bag full of old bacon strips. Big stomach like she pregnant. I gotta get her on my dick. Ooh. Girl, do you want a social link? Fat hungry bitch, that's a fat hungry bitch. Fat hungry bitch, that's a fat hungry bitch. Fat hungry bitch, that's a fat hungry bitch. 10, 10, 10, 10 twinkles on a titty bitch. Fat hungry bitch, that's a fat hungry bitch. Fat hungry bitch, that's a fat hungry bitch. Fat hungry bitch, that's a fat hungry bitch. 10, 10, 10, 10 twinkles on a titty bitch. She a motherfucking star. Look at the size of her arm. Shake a limb, make a law flap hard. Make that bitch eat out, fill her up with carbs. She need McDonald's pronto, pronto. 7 quarter pounds down a pie hole. Deep throat brown, take shits like a hobo. If you buy the ass, then you buy the wear poncho. Cheese nacho, that's a fave snack. I be staring when she make that ass clap. I got my pants off so I can fap. Rock hard, cause I love my girls fat. Fat hungry bitch, that's a fat hungry bitch. Fat hungry bitch, that's a fat hungry bitch. Fat hungry bitch, that's a fat hungry bitch. 10, 10, 10, 10 twinkles on a titty bitch. Fat hungry bitch, that's a fat hungry bitch. Fat hungry bitch, that's a fat hungry bitch. Fat hungry bitch, that's a fat hungry bitch. 10, 10, 10, 10 twinkles on a titty bitch. I'm going drastic, drastic. I'm going drastic, drastic. I'm going drastic, drastic. Fat hungry bitch, that's a fat hungry bitch. Yo, la coche production, Rebecca Jean, tu connais? Un hôtel pour la nuit, expérience pour la vie. Si tu viens à Montréal en voyage d'affaires ou bien en famille, ne cherche pas plus loin, perds pas ton temps et ramène-toi ici. L'hôtel Espresso, une place de choix au cœur du centre-ville, à proximité des restos et des boutiques les plus in ici. T'en as pour ton argent, c'est bien plus qu'un hôtel, c'est une expérience. Tellement. Elle dit qu'on a déjà été là ensemble, Demi. Oui, je sais, on a fait un 70% live. Oui. Ben, ça a été le fun, hein? Oui, c'était. Il y avait Julien Bernatché, toi, t'étais pas là. Non, j'étais pas là à l'époque. T'étais, je pense que c'était devant le juge, une affaire comme oui, ça. Ouais, ça avait mal à donner, c'était comme arrivé à la dernière minute, là. Et voilà, je t'ai mis par-dessus la madame qui chante sur le toit du building, là, tu danses avec. T'es chanceux. Un hôtel rénové, un service de qualité, faut surtout pas. Fait que ce soir, t'as comme un spécial Hôtel Espresso. Ben oui, parce que c'était une note d'Hôtel Espresso, qui d'ailleurs, la vidéo a été faite par Bob Bissonnette, qui est mieux connu comme étant le gars qui a fait l'album Les Barbes des séries. Et mettre du tape sur ma palette, ouais. Et ce genre de chansons-là que mon neveu de 9 ans apprécie particulièrement. Ben, il y a le niveau pour ça. Oui, ben, je pense que c'est parfait. Level, ouais. Puis là, ben, cette tune-là, apparemment, ça a été beaucoup repris. Je sais quoi, j'ai été surpris moi-même d'avoir la quantité de cover de la tune de l'Hôtel Espresso. Voilà, fait que j'ai cherché sur les tubes et puis j'en ai trouvé vraiment beaucoup. Puis là, j'ai fait une sélection raffinée pour trouver. Je m'enlignais pour essayer de faire un top 5, mais il y avait trop de bonnes affaires. Trop de qualité. Fait que finalement, j'ai décidé de faire un top 7 puis de pas couper dans la qualité. Donc voilà, on va commencer par la position numéro 7 qui n'a pas de pochette ni d'image parce que c'est une vidéo YouTube que tout ce qu'il y avait, c'était le titre tout le long, donc c'est pas très intéressant à regarder. Il s'agit de la version métal de la chanson de l'Hôtel Espresso par B. Payne and J. Ames. Ça, c'est comme James, mais avec un trait d'union entre le J puis le A, puis deux autres A de plus. Il doit être DJ. C'est sûr. Fait que B. Payne and James, voilà ce qu'ils nous font jouer. Je vais monter un petit peu mon son. Oh, on veut rien manquer. Voilà. Ça commence subtil comme ça, troublé. Il y a un peu d'évanescence dans le son. Un peu, oui. Ouais. Oh. ça tape ses nerfs agressants, hein, là-dedans. Oui, c'est ça que j'ai mis en position 7. Ouais, c'est du dubstep, ça. Je vais essayer de l'avancer un petit peu. Ça, il y a des êtres humains qui consomment ça, hein. Ah oui, oh, oui, il y en a. C'est qu'on s'en va direct dans le mur. Hein. Et il n'y a pas de conducteur. On le refait ici. Ouais, il y a rien de suggère de faire un propre version. J'avoue que ce serait intéressant. Peut-être aider les deux fois, je pourrais me laisser convaincre. Parce que sinon, je peux pas faire grand-chose par moi-même. Bon, fait que ça, c'était la position 7. On va y aller maintenant en position 6. Il s'agit de Peter Lee Johnson qui nous fait une version au violon. Mmh. Vous allez voir qu'il mixe ça un petit peu avec Smooth Criminal de Michael Jackson. Choix assez étonnant. Ça, est-ce qu'on est pour ou on est contre cette idée-là? Ah ben, on va l'écouter avant de se décider. Ok, c'est bon, ça me va. Ça a de l'allure, hein? Ouais, oh, ouais, on n'a pas de couilles. Non, on a une méthode. Ah, puis, on peut admirer une photo de Peter Lee avec son violon. Très concentré, très concentré. Dans la même tonalité, tout est possible, hein, en musique. Oh! Audacieux. Parce qu'en il n'y aurait rien eu à jouer vraiment. Ben... Oh. Okay, on avance un peu. Dans le grand classique des années 90 puis dans les hôtels. Ben oui, dans les hôtels de 2011. Ouais, voilà. Fait que ça, c'était la position numéro 6. Évidemment, moi, on je l'ai placé dans mon ordre de préférence, mais vous pouvez avoir d'autres opinions. Hein, mais il y a un bon. Vous pouvez avoir votre préféré. Hey, c'est le disclaimer du siècle. Oui, oui. Moi, je permets aux gens d'avoir leurs propres opinions. Dans le fond, t'as juste comme pioché les numéros. T'as pas d'ordre. Non, ben, c'est ma préférence. L'ordre, c'est ma préférence à moi. J'avoue que tu nous as déjà expliqué que tu choisissais pendant une heure et demie les tunes. C'est long, souvent. Et ça te prenait une heure et demie choisir. Puis là, c'est comme. Ah, puis là, t'es réécoute, puis tu changes de position, puis t'es switch. Selon des critères plus flous les uns que ben, les autres. Ouais, c'est basé sur le feeling, hein. Fait que c'est ça, le cœur, hein, ça se contrôle pas. Donc, maintenant, on va aller enchaîner ça avec, après le violin cover, on a le drum cover. Ça, c'est tellement une bonne idée. On est prêt. Ouais. Alors, c'est AOKP à OKP, je sais pas si il prononce de même, qui nous fait ça? Il est probablement DJ. Il possède un drum avec beaucoup de cymbales, en tout cas. Oh, on le salue à Doucheland. Fait que ça commence assez smooth quand même. Fait que là, il fait jouer la toune. Puis il a trouvé un autre cover de quelqu'un d'autre qui s'appelle 50 Cent puis Jeremy. Je sais pas comment je connais pas. Puis il joue le drum par-dessus. Fait que ça commence un peu tout pas, là, de fin de soirée. Bon, on vient de l'entendre, là. Le tout, du tout, du tout, du. Mais là, il s'emporte. Si j'avance un peu, on va voir la montée. Beaucoup de cymbales. Si on avance encore un peu. Ah ouais. Parce que, si tu fais un drum cover, faut que tu fasses de quoi d'autre que juste lire le beat. Ouais, ben. Puis là, la tune est longue, fait que tu sais plus quoi faire. Voilà. C'est un peu le feeling que j'avais. Tu sais, à l'entendre, j'imagine que ce qu'il fait d'habitude, c'est du reggae. Bon, oh, je pense que c'est. Ok, là. Hein? Check bien, on va se mettre le final. Un début de style, là. C'est quand même un bon drummer. Ah oui, quand même. Maîtrise son instrument. Bien sûr. Pour faire une reprise de l'Hôtel Espresso. Ben, pour ouais. Toi, un bon drama. Ouais. Je pense que t'es rendu là, tu sais, à ce moment-là, l'après-midi, t'as rien à faire. Fait que, mettons que la fin, on s'en. Voilà, c'était la fin. Ben, c'était. Oh, écoute, ça finit sur une explosion de bon snare et de tom. Ouais. Donc, voilà. Maintenant, vous savez bien sûr que les autres pays ne sont pas en reste quand vient le temps de faire des covers de l'Hôtel Espresso. L'Hôtel Espresso qui a une renommée internationale, évidemment. Il y a Mega Sex avec 3X featuring Genio El Mutante. probablement des DJs. On avance lentement. Oui, qui nous a fait la version Spanish Remix, donc voilà. Ah, oui. Oui. Sur un album, puis tout, eux autres, c'est la sur YouTube, mais ils ont vraiment un album. Là. C'était-tu de l'autotune, ça, ou... Ben, c'est fidèle à l'original. Ok, ya llega a la pista y empieza a romper con todo ese juego y se queda con todo el mundo mirando como rompe. Mami, tú tienes todo lo que busque y quiero un hombre. Y yo fuera un estúpido si no me pegara, voy a la... Ils décrivent l'hôtel en espagnol. Je parle aux fans de 70% qui nous suivent depuis longtemps, mais Bruno est passé tantôt, il vous fait dire salut. Il est encore en vie, tout va bien, c'est l'été, il y a plein de grosses jobs, il revient de Toronto pour aller filmer pis tout, là. Mais il pense à vous, puis c'est lui qui nous envoie cette chanson-là pour vous. J'ai hâte qu'elle finisse. Hein. Ça s'en vient. Donc ça, c'est la position numéro 4. On va se taper le refrain au moins. Oui, c'est... Ils viennent de parler du gym pour les clous en trop, là, pour ceux qui parlent en Ok, il y avait une joke à sortir, j'aime ça. Je vais se rendre jusqu'à la joke. Il y a tout le temps une joke. Bon, c'est ça. Je ne pense pas rien, moi. Alors, voilà, position numéro 4, Mega Sex featuring Gino El Mutante. Puis là, maintenant, on va y aller en position numéro 3. Ça, j'avoue que là, rentrer dans le top 3, c'est troublant, hein? Surtout quand t'es parti à 7. Là, celle-là est weird, je vous avertis. Il s'agit de El Matador, mais qui chante en français. OK, ça, on pourrait croire que c'est encore de l'espagnol, mais non. Qui nous chante une chienne pour la nuit, une halal pour la vie. Et là, qui nous dit, en fait, il y a une morale là-dedans. Là lui, il parle plus de l'hôtel espresso, ben, à part peut-être un lien avec la bimbo, mais l'idée, c'est un gars qui s'en va pour sortir d'un bar un vendredi soir ou une soirée non identifiée, probablement. Puis là, il se demande, qu'est-ce qu'il va rencontrer? Est-ce qu'il va se ramasser avec une chienne pour la nuit? Parce que c'est gentil. Ou hein? Une halal. Ou une halal, mais qui se prononce en fait Hellel, normalement. Hellel. Il prononce correctement, lui, pour la vie. Puis là, il espère, ouais, évidemment... mais nous autres, on s'en crisse beaucoup plus que lui, j'aimerais dire. Oui, c'est sûr. La manière que la femme a été traitée, là, halal ou pas. Ben, c'est ça. Ça dépend si elle a été bénie par un imam lorsqu'on l'a égorgée. Ouais. Je suis pas clair, c'est détail. Ils font ça dans la privé aussi, là, pour pas que ce soit reproduit. Là. En fait, c'est que c'est pas juste la bouffe. Halal, c'est aussi un mode de vie. Mm-hmm. Donc voilà, on écoute ça. Vous allez voir, c'est magique. La photo est garante. Hey, je suis vraiment content que la version latino soit finie. Ça fait du bien. C'est, oui. Tu vas voir, tu vas t'en manquer. Les gens sont toujours pour la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Shereke. Une chienne pour la nuit. Ok, ma belle, tu trouveras pas le mec de ta vie dans une boîte de nuit. Il te prendra pas au sérieux et t'en auras marre de lui. Il ne veut pas se poser, il ne veut pas sortir avec ses potes. Il ne s'imagine même pas dans un foyer avec des gosses ici. Fait que là, t'es en train de me dire, le gars, il a pris le même programme que l'autre gars. Ouais, pour faire son propre message. Ouais, c'est le Hotel Espresso Furniture 3.0. Exactement. Adobe vient d'acheter ça. Toujours le même fils. Si tu lâches ton 06, tu connais la Matrix. Réfléchis à deux fois avant d'écarter tes cuisses. Que des disquetteurs à toi d'être conscient de ton vie. Il faut savoir qui est accessible, hein, dans notre culture. Réfléchis à deux fois avant d'écarter tes cuisses. Ouais. Une chance, la toune me l'a dit. Écoute, il y a un message important pour les jeunes filles qui nous écoutent. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles prépubères qui écoutent 70%. Écoutez ça, là. Puis là, je sais qu'on part par-dessus. Retournez la voir à YouTube puis écoutez vraiment bien le message. Et faites attention dans les escaliers aussi. Aussi. Faites attention où vous écartez les cuisses dans un escalier. Les gens halal sont toujours... Les gens halal sont supérieurs. Voilà, là, c'est clair. Voilà, fait que ça, c'était ma position numéro 3. On a hâte qu'elle finisse, elle aussi. C'est pour ça qu'on va enchaîner avec la position numéro 2, qui, elle, est un vidéo complet, parce que juste faire jouer la tune, c'était pas suffisant. Il faut voir le visuel. Bonne chance pour essayer de comprendre quoi que ce soit. Il s'agit de Deria Alcan, qui nous fait sa version de l'Hôtel Espresso appelée French Rap. Et il a fait ça dans un cours de français l'an langue seconde, puis j'imagine qu'il a coulé. Donc, on peut écouter ça. Génial. Puis, mettons, je laisse les micros levés. Oh. On va le commenter. On est avec right. vous à 70%. Français, langue seconde, représente. Jose and Deirdre. Je sais, c'est en français. Oh, yeah. Ah, ça, on comprend. Ouais, ça, on comprend, c'est en anglais. J'ai dit tout mon enjeu. Je soulevais la planète, je demande que vous partiez de sa pinette. Je vais chasser tout le monde qui voulait. Les gens en bouteille. Sont tous ceux qui sont méchants. Oh, on a compris les petits bouts, hein? Méchants, méchants. Tous ceux qui sont méchants. Avec la France, Patrick Lafrance, du côté. Apparaissent comme les noirs, plantent le ciel bleu. Le débossement des déchets toxiques, l'extinction. La base des erreurs sont quelqu'un ou un ennemi. Je suis content de pas avoir à transcrire ça, man. Non, ouais, mais... ben, ouais. On comprend des mots ici et là. En fait, il y a un message environnementaliste. Le débossement, débarrasse la pluie acide. L'effet dans sa voix aide beaucoup à ce qu'on comprenne. Ouais, c'est ça. Hey boy. Ouais, fait que voilà, on peut lui attribuer une note allant de A plus à F et envoyer ça à son professeur. Ah, c'est en tout cas, on est à 70%. Ben, c'est le fun qu'il a quand même, il a choisi la toune de l'Hôtel Espresso pour faire son travail. J'avoue. Cool. Puis, il a même pas repris les paroles. Il s'est inventé son texte. Il est venu à Montréal pour aider son français. Il a couché à l'Hôtel Espresso, puis là, il s'est dit, hey, c'est malade ça, je vais faire ça. Je sais pas comment va sa carrière depuis le temps, hein. OK. On va passer maintenant à la position numéro 1 que je vous propose d'écouter à micro fermé tout au complet, puis on passera à autre chose. Ah, mais je pense que t'en avais un qui s'appelait E0. Oui, oui, oui. C'est fou, j'ai failli l'oublier. Merci, Tommy. Avant la position numéro 1, qui est incroyable. La position numéro 1, évidemment, c'est superbe. Il filme mes pieds. Mais on a une... Oui, filme mes pieds de Clarks. On a une annonce incroyable à vous faire. Il filme mes pieds. Il y a Mario Benjamin... qui travaille sur son clip Victoire, qui a finalement décidé de repousser d'une semaine la date de la sortie. C'était censé sortir hier, cette affaire-là. Ouais, puis là, finalement, ben, ça va sortir la semaine prochaine, le 29, à 20h. C'est un dimanche, fait que vous n'avez rien d'autre à faire. Vous irez sur sa page Facebook, checker le countdown pendant des heures de quand est-ce ça arrive. Puis là, vous allez le voir arriver. Mais là, il nous a relâché un preview et qui me laisse croire qu'on est vraiment en présence du matériel de calibre ces enfants-là. On est à moins 8. Des émotions bien vécues et mal jouées. De la force dans la voix, un message auquel on peut pas s'opposer. Avec des victimes de ce avec message. Avec des victimes impliquées dans le vidéo. Ouais, que ouais. Si on dit qu'on n'aime pas la toune, c'est parce qu'on aurait voulu que cette personne-là meure de son cancer. Ouais, c'est ça. Donc, tous les pions sont en place. Il reste plus qu'à attendre 6 jours pour l'échec et mat. Donc, voilà. Fait que t'as dit, pas voir si c'est pas long. Plaisir. Ça va vite. Cancer au cerveau. On marche jusqu'à la Victoire avec le lettrage de Jurassic Park. Ouais, ouais, exactement. Jurassic toi. Fait que, ouais, hein? J'avais pas menti, là. J'exagérais rien. Non, ça va être malade. Donc, ça, c'est dans 6 jours. Dans 6 jours, les amis. 6 jours, Mario Benjamin. Ça va à grandeur du Québec, le rock'n'roll blues. Et attendez-vous à vous faire taguer si vous êtes sur Facebook. Oui, oui, but est d'être tagué. Et voilà, ça se peut beaucoup que Mario Benjamin vous tague. Surtout si vous avez plusieurs followers. Donc. À partir de... Oui, c'est ça. Sinon, comment qu'on appelle ça? Voilà. Donc la fin de ta chronique. On va y aller avec la toune numéro 1. Il s'agit de Cuban Guy, écrit avec un Q, qui nous fait un official music video parody. Et puis, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est prendre la toune de l'Hôtel Espresso pour faire une super bonne blague impliquant un clochard qui meurt de faim puis qui quête puis les gens qui veulent pas y donner des affaires. Fait que c'est vraiment à se rouler par terre. L'humour. C'est de l'humour, c'est drôle. Donc, on peut écouter ça. Puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. On est à 70%. Allez pas trop loin. C'est Cuban Guy. Il y a un sans-abri. C'est super drôle. On va revenir avec Mathieu, j'ai l'impression. I want it, can't you tell I want it? Hamburger straight up on it, for you know I'm all up on it. We washing windows, pump your gas, sleep and clean your tigers. Money's what we require, Thanksgiving, don't invite us. Won't you go in? Get it. I'm hungry, baby. Take it, bite it. Can I get something to eat? Can I get something to eat? Take it. Okay, she driving to the stoplight, so I slowly start approaching it. Sticking out my hand like, listen, can I get a dollar, bitch? Girl, you got some money in it, it ain't got no lock on it. All I'm trying to say is I need money for some top ramen. I'm sweaty, girl, my booty sticky. I'm gonna need about 9 showers so I won't be filthy. And I'm gonna beg you to Thanksgiving. Man, I'm fucking hungry, can I have some of your chicken? Ooh, it smells so sweet. What you working, Popeyes? Let me send a tweet. Girl, is that your boyfriend? Does he play for the heat? I'm not really tripping, cause there's more cars in the street. I love to beg the people that drive in the street. Can you spare a dime? Cause I'm really hungry. I'm all around town begging for some money. I don't got no job cause I'm really lazy. Can you please feed me? Yes, I ain't got no money. Ain't got no money. No money. Don't play me for a clown. Is that how it's gonna be? Girl, all I really want is for you to see me. Can you please feed me? Stomach rumbling, let's see something. No food and I'm not your friend. I got my cup, I got my sign. Yes, it's a donation time. Walk up and then tap on the glass. Yeah, I know I need a bath, but just reach inside that dash. You know how bad I need this cash. I hate when I get up the nose. I just want some top hat cold. Creep up and wash your window. It's really water, it's not soap. I need some dough, I'm so damn broke. I want to go to McDonald's. A number two, the cheese to go. I'm daydreaming in the window. Look how they hold it. Look how they eat it. Make me wanna hit it. Heaven when I'm in it. If I do not get, I'm gonna take it. I love to beg the people that drive in the street. Can you spare a dime? Cause I'm really hungry. I'm all around town begging for some money. I don't got no job cause I'm really lazy. Can you please feed me? Yes, I ain't got no money. Ain't got no money. No money. Don't play me for a clown. Is that how it's gonna be? Girl, all I really want is for you to feed me. Can you please feed me? Say you independent. It shouldn't be a problem. I need them digits, girl. Time you see me, I'll be on the corner. Girl, you keep me hoping. Girl, I need some money. Down on my knees, I'm begging. Girl, I need some money for these bad habits. I really need some dough, yeah. Yeah, girl, I know you didn't think I could sing like that, cause I'm a bum and everything, but you know what I'm saying? I'd do anything for a nickel. You feel me? You need something, let me know. I'll be here all week. Quelle invention de génie. Hein. Parce que obtenir du sperme humain, c'est quand même quelque chose de difficile. Ça vient d'un hôpital en Chine, là. Pour manchots, genre. Il faut mettre quoi là-dedans? Tu mets ton organe précieux, gars, ou ton doigt, là, puis ensuite, ça extracte du sperme de le toi. Précieux liquide. C'est ça, c'est pas un masturbateur, c'est un extracteur à sperme. Ouais. OK, fait que ça te fait pas jouir. Non. Ben oui, mais c'est pas ça le but, gars, tu vois. OK, c'est pas supposé d'être... C'est un effet secondaire. Ah! La collatéralité. Hey, chic. Un orgasme collatéral. Ouais. Oh. Ils ont pensé vraiment au design, là, c'est moderne. Tout, ouais, j'adore. C'est rose. On est à 70% solide. Mathieu, t'es en feu. Ah oui! Check ça. C'était ça l'odeur. Mais c'est ça. ça, l'odeur. C'est un cri de joie. On va t'accracher dans la face. Faudrait faire une version dubstep. Ça marcherait bien sur les réseaux sociaux. C'est sûr. Mm. Ah, Mathieu. Salut. Puis? C'est ça. Je t'ai mis les pickers de dépotoir. Je sais que c'est un des clips que t'aimes beaucoup en background. Ben, je l'ai écouté pendant vraiment longtemps, une soirée. Là. Je fermais mes yeux, puis je les voyais encore. Mm. Puis il y a la toune de... Choisis frénésie pour commencer. C'est excellent. Ça a pris du temps de trouver ce tune-là. J'avais l'air dans la tête. Je savais pas comment ça s'appelait. Il essaye de ramasser son dû, hein? Puis t'as trouvé vraiment la version genre Earthbound, là. Ça a l'air 16 bits gentil, là. J'adore ça, ces tunes-là. Mathieu, tu nous as parlé d'un gros dossier cette semaine. Oui. T'étais menaçant quand t'es rentré, les yeux injectés de volonté. Ben oui, j'ai défoncé d'ailleurs, hein. C'est ça, je te dois 35$ au moins en plâtre. Bon. Ouais, ouais. La victoire, ben, c'est mon charisme, là, qui fait ça. cette semaine, non, mais cette semaine, mon fils est arrivé à la maison. Puis il me dit, papa, c'est la fin du monde d'ailleurs. Fait que je le regarde, puis je fais, mais encore. Tu sais, parce que non, mais c'est vrai, l'économie nous tient à la gorge, hein, la moitié des humains crèvent de faim, puis l'autre s'entretue à grands coups de religion. Clairement, c'est la fin du monde, mais aujourd'hui, tu sais, je te parle du moment présent, là, qu'est-ce qui chie, tu sais. Et il me dit, papa, il y a les sirènes des pompiers, puis les polices d'ailleurs. Il y a plein de monde qui sont payés à manifester légalement en avant de l'hôtel de Dr. Denis puis Mr. Coderre. Puis ils disent qu'ils brûlent leur casquette à cause de leur retraite. Ben pourquoi il y a personne qui sont arrêtés? Ça, c'est une bonne question, hein? Bonne question. Parce que lui, c'est ça, naïvement, il pensait que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Qu'ils sont doués de raison. Ça, ça a l'air tiré d'un papier, ça. C'est pas toi qui a pas dit ça. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Hein? Fraternité policière. C'est ça. Et bon, ben moi, je me... et voilà. Je me disais en même temps, je me disais ça, il est jeune, tu sais, donc c'est le temps de le casser. Hein? Le casser est un positif. Oh, exactement. Ouais, ben ouais. C'est une conséquence positive de la chose. Comme casser des souliers. Voilà. Casser des souliers, casser une toune. C'est l'analogie parfaite. Ça me rappelle une page qui fait peur de 1984. On est content. Fait que j'ai dit, fiston, le problème avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, là, ce n'est pas sa pertinente utopie. Hein. C'est que ça a été écrit sur du papier. Hein? C'est ça le problème. Aujourd'hui, le monde s'en doute plus, mais à une époque, le papier, c'était une technologie. Hein? C'est vrai. Ouais. Et on comprenait aussi le poids des mots, hein? Et leurs conséquences sur les autres. Aujourd'hui, il faut aimer pourquoi le monde interprète tout pis rien, puis garoche n'importe quel enchaînement de phrases à deux signes qui veulent dire rien d'autre que trois choses. Mon ego est plus fort que le tien, j'ai faim, puis on fout-tu. Je vais te le dire, fiston, pourquoi ça va mal dans le monde. C'est à cause qu'on est conditionné à être des hosties d'épais. Et, puis c'est quoi qui nous tient en laisse comme ça? Hein? C'est quoi qui nous tient en laisse comme ça? Hein? Les médias, la bouffe, puis le travail. Je l'ai dit. Ouais, c'est clair. Hein? Ouais, t'es pas mal right on, je pense. Ouais, j'ai rien à dire contre ça, là. Ouais. Ben, on peut-tu être contre la vertu? Demande à Mario Benjamin. Je pourrais rajouter les juifs, mais c'est les trois affaires que t'as dit. Ben, ça revient au même. Les médias, je ne m'étendrai pas sur le sujet, hein. Journal de Montréal, Radio X, Occupation Double. Ben, je peux t'en faire un autre aussi, là. C'est assez facile. C'est Journal Métro, Isabelle Maréchal, La Voix. Hey man, c'est correct, je t'attends. moins que ça? T'as pas encore été par Joël Legendre ni Éric Lapointe, là. Ben, mettons Châtelaine, les grandes gueules, Éric Salvaille. Ah, c'est plus gentil. On peut pas dire que ça aide à grandir spirituellement, tu sais. Moi, je vais prendre le troisième. Ben, Éric. Tu prends Éric Salvaille. Il est tellement fin. Ah oui. Tu peux le flatter, puis il veut même pas coucher avec toi. Ça dépend, si t'es une fille ou pas. Ben, moi, je pense qu'il y a pas de sexe. Ah, okay, comme Ken dans Barbie. Je pensais à lui, moi aussi. Ouais. Exactement. C'est ça. C'est un bon ami, une bonne oreille. Il s'habille comme tu veux, puis il aime ça être content. Hein. Ben ouais. Je pense Barbie, Eric Salvaille, même combat. Exactement. On peut le dire. Ben Ken plus, là, mais Ken. Je te suis. Il est dans l'univers de Barbie. Ben Ken, c'est un modèle comme un autre, hein? Sinon, il y a plusieurs cannes, oui. Il y en a. La bouffe, hein. Le sujet est très vaste. Donc, je vais régler ça à grand coup de chainsaw. Sel, sucre, gras. Hein? Puis si tu comprends pas, jeune homme de 8 ans, ben Google, tabarnak. Tu sais, non, mais ça veut manger du McDo à cause de la surprise, puis de la poutine à cause que c'est crissement bon, hein, quand t'es sous à 4h du matin, jeudi soir, pour oublier ta semaine de marde. On peut pas dire que ça fait des esprits forts dans un corps sain, hein? Non. Tout le monde te suit, je pense. Oui, mais papa, hein? Papa, au début, je te demandais juste pourquoi y a personne qui a été arrêté. Ben là, je l'ai pas oublié, ta question, hein? Calme-toi le pompon, hostie de génération, de vitesse et de connexion. Non, mais c'est vrai, là, ça c'est tout en 2 secondes, puis ça reste pas intéressé plus d'une minute à quoi que ce soit. À chaque génération, c'est challenge. Oh, c'est là qu'on part en musique. Quelques-uns se tuèrent et les autres comprirent qu'il fallait rechercher un endroit où aller. C'est ainsi qu'ils bâtirent un grand dôme au sans nom. Et on dit qu'il éclaire à des milas la ronde. Des milas la ronde. Et pendant que nous marchions vers une mort certaine... Oui, mais papa! Il est attentif, tu sais. Mais papa, c'est beau, cette toune-là de Jean Leloup, mais si Jean Leloup y avait manifesté illégalement puis fait des feux de casquette, y aurait-tu eu des coups de bâton de la SPVM? C'est ouais, le paradoxe, hein? Le paradoxe. Voilà. Non, mais je te le dis tout de suite à la maison, tout ça n'est qu'une métaphore. Le travail, Tommy, le travail, oppressant, hein? Le participe présent d'oppresser, tu sais, tu... J'espère que tu suis. Tu savais-tu qu'oppresser veut dire que physiquement, hein, t'es gêné par une pression? Ça me semble logique. Ouais, ça a du sens. Voilà, le travail, Tommy. Travail. 3 mots. Dette, marché, profit. Monopoly. On joue clairement au Monopoly depuis un esti de bout de temps. D'ailleurs, Charles Darrow, OK? Ooh. Charles Darrow, plus ou moins célèbre inventeur du Monopoly, hein, s'était inspiré d'un autre jeu de table breveté en 1904 par une certaine Elizabeth Maggie. Et là, je sais pas, je t'avais laissé une photo. Oui, total. Fait que tu peux peut-être la montrer. Le jeu s'appelle The Landlord's Game, hein? Le jeu du propriétaire. Ben en oui. fait, hein? on peut traduire ça dans ce sens-là, hein? Ou dans un autre si t'es c'est un comme mauvais traducteur. C'est une tentative de Monopoly avant le temps. Voilà, mais ça décrivait que ça faisait en sorte que les terres, les gens qui possédaient les terres, ça rendait les gens autour très très pauvres en fait. Et c'est ça qu'elle voulait dénoncer là par le Monopoly. Ouais. Et je sais pas si t'as la photo, tu l'as-tu? Oui, ça c'est là. À ce moment, ben je sais pas si on peut voir, mais ça c'est une version maison, hein, du jeu. Parce que dans ce temps-là, les gens trouvaient ça pratique en calice, puis créatif en sacrement de s'en faire un chez eux. Hein? Ouais. Tranquille, à l'abri des publisacs puis des emails de grossissage de bisounes, Tommy. Mais comment tu... Ouais, Maya. C'est une métaphore. Ouais, je te suis. J'espère que t'es pas surpris d'apprendre, hein, que, comme je t'ai dit tantôt, ce jeu-là a été inventé pour dénoncer l'accaparement des terres. Hein? Le titre de propriété, c'est un autre hostie de bout de papier, Tommy. Hein? C'est important de mentionner ça. Ah, mettons, Saint du Christ. Mettons que ça fait quelques lunes qu'on est sur le dossier. Il y a des appels manqués puis des coups de pied au cul qui se perdent. Et c'est là que le lien se fait, hein? Monsieur le communiste utopiste fantaisiste. C'est moi, ça? De 8 ans. Selon Dominique Pelletier. Oui, ah, tu parles à ton fils. Ouais, je parle à mon fils toujours. Désolé. Le travailleur honnête, hein? Le travailleur de tous les jours, hein? Celui qui a voté à Star Academy pour encourager sa cousine, tu sais. celui qui veut bien payer sur le pont en espérant que les routes vont s'améliorer. Le dude qui sort voir son équipe de sport pour 500$ une fois par année parce que quand il regarde ça, il a l'impression d'être dans la gang, tu sais. ce dude-là, hein? Celui qui veut changer de char aux 3 ans parce que c'est le temps, hein? Ou cette doudette-là, hein? La doudette, celle qui dit qu'elle vote tout le temps pour le même parti, puis t'es pas trop sûr si c'est par tradition ou des intérêts, tu sais. Les. Ils savent pas. En fait, ils savent pas que les routes s'amélioreront jamais pour cause de contrats bien trop payants pour juste le faire une fois, hein? Tu sais? Chris, il y a des routes romaines qui tiennent depuis 1000 ans, Tommy. Note on concerné, en passant. Si vous arrêtiez de vous faire des hosties de 4% avec l'argent que les gens vous donnent, peut-être qu'on pourrait investir dans plus solide. Mais non, le café, il est bon. Il est bon, le café. Moi, j'allais voir le gars, le café, il était bon. Le gars, il me parle, le café, il est bon. Une métaphore. Je le bats le plein. Je bats le plein. Le café, il est bon. Si le café, il est bon, j'allais là-bas, le café, il était bon. On est-tu de la commission Charbonneau? Ça, Charbonneau, oui. Brillante imitation. Il était bon, le café. Le bas, il est plein. Il y avait le bas plein. Elle sait crissement pas, elle. Elle sait crissement pas que la TV y agrémente tous les jours. Son actualité à grands coups de menterie pis d'informations artificielles de vedettes qui la font sentir comme ayant tout le temps besoin d'un petit plus. Un petit truc beauté, une nouvelle recette, un nouveau char, une machine à café, une aventure d'un soir. Alouette, esti. Son équipe d'hockey, il fait payer son Chris Dot Dog quasiment 10$. Pis sa bière, 11$. Attention, dans un verre en plastique. Alors que dans tout le lot, il doit y avoir pour une pièce de bière puis 35 cents de viande, hein? Chris, c'est de la Molson puis de la saucisse industrielle, Tommy. De la pisse puis des boyaux. Pour 20$. Puis le biais, là, on parle pas, tu sais, on peut parler du biais, là. Le fameux biais d'un rouge, tu sais. Zone, hein, confortablement. Moi, je crois plus à ça, le biais d'un rouge. Moi, je crois plus à ça. Ben, t'es dans le 1%, Tommy. C'est l'utopie, ça. C'est, là, non, c'est... mais c'est. Ça, c'est la zone là, confortablement là, hein, inculquée aux gens qui trouvent ça encore correct de se le payer une fois par année. Et ils ont raison, Tommy. Ils ont raison parce qu'ils travaillent en tabarnak pour ça. Ils travaillent en esti de calice toute l'année. Ben, si tu sais combien, ça, c'est 131$ ça, en saison régulière. Puis 205 en série, ça. Ouais, c'est pas plus parfois. Allez, paye le cadre. Ouais, puis c'est souvent plus, là. Je veux dire, il y a un commerce interlope qui existe et qui ne ment pas. Moi, les deux personnes que je connais qui sont allées voir un match des séries passées, ça leur a coûté 400$ par billet. Ouais. Ensemble, absolument. Absolument. Mais ça, moi, j'ai dit, man, c'est mon loyer. Ça, c'est sur le site de Bell, du Centre Bell, mais ça, c'est avant, justement, que le scalper en achète 60 et qu'il les vende. Exactement. T'sais. Elle l'a même pas sucé. Mmh. Ouais, mais ça, c'est normal, c'est une conséquence très, très, très négative, ça, du fait qu'on s'entretue. Et voilà, oui, je te suis là-dessus. Voilà. C'est la main invisible du marché. Ouais. Celle qui régule tout. La main invisible. Le fist invisible du marché. Écoute, ils savent pas, mais ils s'en doutent, hein. Et sans doute parce que mon père, il disait, la souffrance du monde occidental, hein, c'est d'être en mesure de penser qu'on est libre tout en payant nos factures. C'est ça. Bon, puis plus précisément, fiston, hein, parce que c'est le principal intéressé, pour cette question-là que tu m'as posée tantôt, quand ton employeur te donne une tâche, hein, mettons frapper un manifestant, tu sais, on prend celle-là, il te paye, OK? Ton emploi. Et il possède ta survie, hein, ton emploi, ton titre, parce que clairement, si tu désobéis, c'est pas long que t'es réprimandé et ou mis à la porte, puis là, ben, à ce moment-là, t'as plus de chèque de paye, t'as plus de titre, t'es plus policier. Dans le cas des régimes de retraite, hein, la chose qui nous intéresse, ben là, c'est celui qui a la job de frapper le manifestant qui est mis en danger, hein, de perdre sa paye, sa survivance, son titre. Et à l'image de tous ceux qui sont pas d'accord avec une prise de décision comme ça, il a envie de désobéir, hein. Donc, il sort dans les rues, il est pas content, on le dit de manière audible, hein. Et quelque chose qui doit demeurer clair, c'est qu'il ne donnera pas son itinéraire. Lui, il ne donnera pas son itinéraire parce que c'est lui qui le prenait avant. Exactement. Exactement. C'est ça, tu sais. Tout le monde est supposé le savoir. Ouais. Il y a personne qui va être frappé et ou arrêté non plus, hein, parce que c'est lui qui fait ça. Il n'ira pas taper sur son chum, là, ça c'est sûr. Il va montrer à son patron hein, que son chien de garde, il peut mordre et il a raison. Donc, si j'étais le fils d'un flic, j'y dirais « Oui, papa. Oui, papa, va crisser le feu à ta casquette. Oui, arrose l'hôtel de ville. Puis oui, gueule que ça fait chier de se faire prendre pour des guichets automatiques par un système qui, de toute façon, il y en a juste un qui ramasse toujours la cagnotte. Mais quand moi, ton fils, je vais dire dans la rue que je suis pas d'accord pour exactement la même raison que toi, hein? Soit que je suis tanné qu'on se fasse voler. Toi, papa, sous prétexte que toi, t'es à payer tes études, ben tu me poives à grands coups de matraque. Bon, ça me fait pas juste perdre le souffle, ça me rentre drette dans le cœur, hein? Je me dis, on milite pour la même chose, un avenir meilleur pour nos familles. Puis ça me dit une chose aussi, qui résonne depuis longtemps, peut-être que c'est vrai finalement qu'au Québec, hein, on est né pour un petit pain. En terminant, je le répéterai jamais assez. Je le répéterai jamais assez. Je le répéterai jamais assez. Mon père, il disait, le papier, c'est fait pour fourrer le monde puis se torcher le cul. Puis il avait raison. Tant qu'il va y avoir une signature qui engendre une dette sur un hostie de bout de papier, électronique ou pas, il y aura toujours quelqu'un pour se torcher le cul avec ton argent. Ah oui, puis en passant, c'est la Saint-Jean. Fait que je me souviens ce que c'est, la Saint-Jean. Fait que go fuck yourself. Merci Mathieu. Ça m'a fait plaisir. C'était très senti. On va écouter une chanson québécoise qui va te remettre sur le piton, tu vas voir. On est à 70%, elle est pas trop loin, c'est parce qu'on s'en fout après. Merci Mathieu, et pour toi. Ce qui est bonne, la slide de guitare. C'est notre générique de secours. Ouais. Quand, ah, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est pas du tout le générique. De... En fait, vas-y, continue à parler. T'es en train de tout mélanger ça. Ça va, Tommy? Oui, oui, certain. Tu sais que la Coupe du Monde a bien commencé. Ça brasse, ça brise. Et voilà. C'est pas fini, là, cette affaire-là? C'est loin d'être fini. C'est fini quand, ça? Ça finit le 13 juillet. Ah, mon Juste Dieu. Avant, ouais, juste avant, juste long. Avant, juste avant le 14 juillet. Ouais. Parce qu'on va faire le 14 juillet, on va fêter la France. On va fêter la France avec une Coupe du Monde. Tu y crois encore, là? Chaque semaine, tu maintiens ta prédiction. Je maintiens. Parce que les chiffres sont de ton côté. Les chiffres sont de mon côté. J'en ai amené des chiffres aujourd'hui, Étienne. Moi, j'aime ça quand on amène des chiffres. J'ai amené des 8, j'ai amené des 2. Non, j'ai vu ça tantôt, ton sac de chiffres. Là, il est pas mal, gros. Sac de chiffres au vinaigre. Non, mais j'ai hâte de faire des mois avec son Scrabble pour revenir plus léger. Fait que pour faire un petit recap de la semaine, c'est assez simple. Ça pourrait se résumer en trois petites phrases. D'abord, la France, mercredi dernier, 5-2, mesdames et messieurs. Oh, 5-2 contre la Suisse. C'est assez incroyable. 7 buts dans une même j'ai game. J'ai failli amener des vidéos. J'étais au hub de français, le Barouf, sur Saint-Denis. Pas besoin de te dire, je suis arrivé 1h20 d'avance et j'ai passé la soirée debout. Donc, c'était assez packed. On a chanté peut-être 25 fois la Marseillaise. Mais ce qui était vraiment hallucinant, c'est qu'il y a eu 2 buts dans la même minute. C'est la première fois que j'assistais au soccer, c'est-à-dire que j'étais encore en train de me faire gigoter la patente ici en criant, que les gens ils ont swingé t'as ça. T'as eu un double orgasme. Ça, ouais, c'est ouais. Jamais vu, c'est vraiment, ça a été... C'est comme une sensation de hockey, mais dans le soccer. Exactement. C'est capoté. J'avoue que ça ne doit pas t'arriver souvent. Ah ouais, exact, hein. Exact. Mais on parle quand même de 7 buts. Ça, c'est la première bonne nouvelle qui, justement, bon, ça met les chiffres de mon côté. Ben oui, c'est en tout cas. Sinon, les deux autres nouvelles, je pense que depuis qu'on s'est vu lundi dernier, l'Espagne, tenante du titre, éliminée. Ah, bon. Ah ouais. Elle a même pas passé les poules. Ah, et l'Angleterre éliminée, mais ça, c'est pas une surprise. Je voulais juste le dire, le souligner. C'était à cause de l'heure du thé, genre. C'est probablement la prochaine. Il y a un match à 4 heures, ils sont pas allés. Mais ce qui est intéressant dans cette Coupe du Monde-là, tu sais que, ben, en fait, j'ai eu ma première question d'une personne qu'on connaît bien, puis ça a un peu orienté ma chronique. Je me suis dit qu'on allait parler un peu de géographie, parce que le football, c'est aussi de la géographie. Non. Effectivement. Et puis, c'est les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'abord, bon, on sait que la Coupe du Monde, c'est 32 équipes. On sait ça, oui. Il y a un peu plus que 70% de la phase de poule qui est avancée. Combien? 70%. Ah, ben, c'est mon pourcentage préféré. Et voilà. Pourtant, il y a seulement 6 des 16 équipes, la moitié des 32 finalement, qui sont officiellement éliminées. Donc, il y en a 10 qui sont encore... Pas sûr. Chaque match est important tout le temps dans cette Coupe du Monde-là. Et voilà. Il n'y a pas un match qui sert à rien. Et voilà. Par contre, c'est à partir du 28 juin que les matchs deviennent à élimination directe. Et voilà. Donc, un seul match et on s'en va. Et voilà. Dans les 6 pays qui sont éliminés... Pourquoi l'Espagne est éliminée d'abord? Parce qu'ils se font... En fait, c'est 8 groupes de 4 équipes. OK. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe continue dans les 8e de finale. Okay. Et les 2 derniers, donc, sont éliminés tout de suite. On élimine la moitié. Après 3 matchs, exactement. Ah, okay, et dans le cas de l'Espagne, ils ont perdu 2 fois. Donc, le fameux 5-1 dont on a montré le premier but la dernière fois contre l'Hollande. Oui. Et un 2-0 qui était non moins spectaculaire contre le Chili. Donc, fait voilà. Il était à 7 buts contre. Exactement. 2 défaites, 0 points. Dans le même pool, t'en avais un qui avait déjà 6 points, l'autre qui en avait 4. Fait qu'on peut retourner à la maison, la tête haute. Et voilà. On a gaspillé beaucoup de temps. Et voilà. Mais c'est une statistique qui est pas inintéressante dans la mesure où est-ce que dans les 4 dernières Coupes du Monde, les 3 fois, le tenant du titre s'est fait éliminer dans la phase de pool. La Coupe du Monde suivante. La France en 2002. Ouais, il y a une bonne rotation. L'Italie en 2006. C'est pas comme les Kings qui vont gagner la Coupe l'année prochaine. Non, exactement. Ouais, ouais, non, ça bouge. Mais c'est quand même un cycle de 4 ans. C'est un grand cycle de la vie. Et voilà. Puis pour. Donc, je vais juste nommer les 6 équipes éliminées tout de suite. Ouais, comme ça va nous ancrer dans le temps. Est-ce qu'on les eut? Ouais. Silence révérencieux. À tout un bruit, là. Point, point. Bon, d'abord, l'Australie. Ouais, bye. L'Angleterre, on a déjà mentionné. Ouais, ouais. L'Honduras. Il y a l'Espagne, le Cameroun et la Bosnie-Herzégovine. Ah, la Bosnie, et voilà. Ils sont éliminés aussi dans la vraie vie. Mais c'est ça qui est intéressant, je me suis dit... C'est une game qui pardonne moins. Mais t'as la Bosnie-Herzégovine, quand tu penses à ça, c'est quand même un pays relativement récent. Puis il doit y avoir plus de monde qu'en Suisse quand on y pense. Il y a un petit peu plus de monde qu'en Suisse. Honnêtement, j'ai pas les chiffres. Mais ce que je sais, c'est que, bon... Ils se sont séparés de la Yougoslavie en 92. C'est devenu un pays indépendant en 92. Ils vont revenir. Ça nous a bien aidés jusqu'à maintenant. Puis en 96... On a juste des bonnes nouvelles. Il paraît qu'ils ont plein de jeunes célibataires qui veulent émigrer. Oui, ou qui veulent se marier même. Non, mais ça... Paris même. Mais ils font-tu partie de l'euro, la Bosnie? Aucune idée. C'est toi qui es au courant, même. C'est ta chronique, il dit t'as un passeport qui dit que t'es au courant. T'as remarqué d'ailleurs, j'ai mon nouveau chandail de foot. Ouais, on n'arrête pas d'en parler. Ouais. Mais je sais qu'il y a des gens à la maison qui sont assez rapides, ils vont dire ouais, mais c'est pas le nouveau chandail de foot. Ouais. Je vais leur dire à eux. On les salue, eux autres. C'est pas complètement faux, sauf qu'étant donné qu'on est ici chez douteux.org, qui est une organisme sans but lucratif et qu'à la fin. La journée, c'est quand même le contribuable qui paye. Mais celui de l'année dernière était 10$ de moins. Ah, donc, d'accord. C'est toute une action qui est conséquente à notre organisme. On salue le contribuable qui paye aussi. Okay. On le salue. Là, si tu peux me renommer un autre pays, là, j'ai finalement trouvé un son. Bon, ben, on va y retourner. Il y en a 6 d'éliminés au Cameroun. Final de cette... Oh! Ah! Excellent. Ça, pour que tu le gardes de côté, on va en avoir besoin. Ouais, je vais le laisser là. À un moment donné, prêt, je vais revenir, là. Ce qui est intéressant de cette Coupe du Monde-là, c'est que qu'on parle de l'effet local. T'sais, on parle pas assez de l'effet local. Tu veux dire le septième joueur, genre? Le septième joueur. Là, ça serait quoi? Ça serait le douzième joueur? Le douzième joueur. Bien joué, Tommy. Le douzième joueur. Parce qu'ils sont effectivement 11 sur le terrain. Oh, bravo. En Amérique du Sud, j'ai juste donné un petit exemple rapide. En Amérique du Sud, ils ont 6 places. Donc, il y a 6 pays qui contribuent à la Coupe du Monde. OK? Il y en a 4 qui sont déjà assurés. Brésil, Argentine, Chili, Colombie. Puis l'Uruguay, l'Équateur. Ils sont pas éliminés, sont pas, ça va vraiment dépendre de leur dernier match. C'est pas inintéressant parce que si tu compares ça au nombre de pays du Commonwealth qui restent dans la Coupe du Monde, mais un seul, et c'est le Ghana. Ah ouais, le Ghana. Merci Ghana. Ouais, quand même. Quand même. Hein? Donc on a quand même un élément de démocratie ici. Le Canada s'est rendu. Laisse faire. Je termine ma chronique au Canada, mais je vous ai ramené des chiffres qui sont tout des aussi intéressants. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Tout aussi intéressant. Tout aussi intéressant. On va passer avec la petite démonstration de géographie parce que justement la question de mon auditeur cette semaine sur mon Facebook que je ne donnerai pas parce que c'est un Facebook personnel. Mais arrête le David Saïd. Montre-nous la carte. Tu vas voir. Je vais vous expliquer comment on monte une Coupe du Monde. Je pense que c'est un sujet qu'on traite pas assez souvent. Ça c'est vrai. CONMEBOL. CONMEBOL. Ok, donc on voit ça. Est-ce que je pointe sur un pays? En fait, l'image est par-dessus ta main, donc t'as comme le, tu pointes dessus tout le temps. Tu pointes en dessous. Ouais. Okay. Tu pointes sous les pays. Grosso modo, la CONCACAF qu'on voit sur l'écran a habituellement 3 ou 4 places. Okay? La CONCACAF, c'est quoi? C'est la confédération de football qui représente l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes. Okay? On parle de 42 pays, dont le Canada. Mais je vois-tu que le Venezuela fait partie de la CONCACAF? Non, le Venezuela, c'est en Amérique du Sud. Oui, ouais, mais c'est parce qu'elle est comme rose sur la carte. En tout cas, on s'en... Ouais. Voilà. Je te suis. T'as l'UEFA, donc la Fédération de football européenne. On parle de 13 places. La CAF, donc la Confédération africaine de football, qui représente 5 places en Coupe du Monde cette année. En Asie, l'AFC, 4 ou 5 places. Et finalement, l'OFC, qui est l'Océanie, pour 0 ou 1 place. Le 0 ou 1 place, effectivement, vous allez me dire, ouais, 0 ou 1 place. En fait, la façon que c'est fait, la Coupe du Monde, c'est sur 4 ans, c'est des qualifications. Chaque confédération jouer ses équipes pour obtenir des points et un positionnement. Dans le cas de l'Océanie, par exemple, ben, le premier, celui qui finit numéro 1 de l'Océanie, va jouer contre le quatrième de la CONCACAF, celui qui gagne à la place. Donc, si l'Océanie gagne, il y a un à l'OFC et seulement 3 à la CONCACAF. Si c'est le quatrième de la CONCACAF qui gagne, ben, on a 4 équipes qui nous représentent en Coupe du Monde et aucune pour l'Océanie. Voilà. Donc, c'est un petit calcul mathématique. Super intéressant. Ce qui est intéressant aussi, dans les 32 équipes qui font partie de la Coupe du Monde, il y en a une qui est choisie automatiquement. Est-ce que tu es capable de deviner laquelle? Le Brésil. Ouais. La raison? Ben voyons. Ben parce que c'est les hôtes de la Coupe du Monde. Bien joué. Donc le pays hôte, par définition, fait partie. Sinon, ça serait chiant. Tout le monde arrive chez eux, les autres ne peuvent pas jouer. Absolument. Donc non seulement il est automatique, mais il est exclu donc des rondes de qualif. Ouais. Et jusqu'en 2002, t'avais l'hôte et t'avais le champion précédent. C'est pour ça qu'ils sont jamais venus faire ça au Canada. Genre. dire, on fera jamais. Là, oui, non, mais on pourrait organiser la si on n'était pas mauvais. Ça, en fait, je pense que ça serait l'unique façon d'y participer. Ok, c'est bon. J'aime ça quand t'es optimiste. C'est moi, si j'étais Canadien, je ferais de la pression sur un lobby pour avoir la Coupe du Monde. Pourquoi? Sinon, pour avoir un autre stade. Est-ce que... Toi, t'es vendu, man. Ah ouais, vas-y, je t'écoute. Un troisième stade. Un stade au centre-ville. Là. Enfin. Allez, on va mettre du baseball. Retour de tes expos. Ouais, nos amours. Cloner Tim Raines, aussi. La question de notre auditeur, donc, qui était donc sur comment distribuer des places, j'espère que ça a répondu aux questions. Je pense que c'est très clair, en fait. Elle se suivait, en fait, c'était surtout par rapport au Canada. On me posait des questions sur qu'est-ce qui se passe avec l'équipe masculine de soccer au Canada. Elle a déjà participé à la Coupe du Monde. C'était en 1984, donc une seule fois. Ça fait pas si longtemps. L'année que la navette a explosé. Et voilà. C'est pas 86. T'as raison. C'est l'année de la visite du pape, je pense. Ouais, c'est ça. Grosse année pour Saputo. C'était à Toronto. C'était grosse année pour Saputo. À Montréal, au stade. Oh, c'était avec Céline Dion. Avec Céline Dion, voilà. Okay. Et les colons. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc le Canada, grosso modo, leurs deux derniers matchs, c'est le 23 puis le 27 mai dernier. 2-0. 1-1 respectivement contre la Bulgarie et la Moldavie. Après, si tu veux une victoire, parce que c'est une victoire canadienne, tu as besoin d'une victoire, il faut que tu remontes 17 matchs derrière. Et c'était le 12 octobre 2012 contre Cuba à Toronto. Ils ont gagné 3-0. Pour 4 jours plus tard, subir leur pire défaite qu'ils connaissent, 8-1 contre le Honduras. Honduras que la France a battu 3-0. Donc, si tu fais un règle de 3, ben, le Canada contre la France, on aurait quelque chose comme du 38-0. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est vrai. Chaque but de la France vaut les 8 buts du Canada. Exact. Ben oui. Je sais pas pourquoi je me sens blessé dans une zone que je me connaissais pas. C'est comme quand tu vas au gym. Yeah, y'a douchebag. Puis après cette fameuse victoire-là contre Cuba qui se passait à Toronto, donc il y a eu 16 matchs. Dans ces 16 matchs-là, on parle de 4-0, les 2-1-1 dont je te parlais, 2-0-0 et 12 défaites. Donc, quand tu es une équipe qui arrive pour jouer contre les Canadiens, c'est sûr que tu les regardes pas comme des gens qui sont nécessairement assoiffés de victoire. Ouais. Oh, pas trop menaçant. Pas trop menaçant. Tu les regardes comme des Français au hockey. Ouais. Non, mais les Français, ils ont battu le Canada au hockey cette année. Ouais, avec des joueurs canadiens. Hein. Avec Cristobal Huet dans les nets. Ouais. Cristobal Huet dans les nets. En tout cas, il n'est pas question que je comprenne ma gueule. Non, continue. Je vais y aller avec quelques chiffres. En fait, ça, c'est super récent. J'ai attendu que le match Brésil... Le dernier qui a joué. Le fameux 4-1 contre le Cameroun. Exactement. Qui a fini il y a quelques minutes. Mais le quatrième but du Brésil, c'était le 108e de la compétition sur 36 matchs. Règle 3. On a exactement 3 buts flat par match. Oh! C'est quand même pas rien. Ça vient de revenir à 3. 3 buts flat par match. On avait, après la dernière passe de l'équipe du Brésil ce soir, 29 500 passes de complétées en 36 matchs. Oh, c'est bon. 29 000. 1000 fautes. Ils se débloquent des achievements. Ouais. 92 cartons jaunes, 6 cartons rouges. On peut faire une jolie ribambelle. Est-ce qu'il y a des chiffres que j'ai oubliés? Je pense que t'as pas dit 9 fois. Deux fois, je pensais que t'allais le dire, puis c'est des 6, des 7. Fait que, est-ce qu'on est rendu au bout ou je mets ton fil? Ouais. Okay. T'as vu la petite vidéo? J'ai une petite vidéo qui est écrite David Saïd. La petite vidéo, je vais vous le décrire rapidement. C'est une amie qui était donc au Brésil, vous saviez, là, tout récemment. Mm-hmm. Et elle a fait ses emplettes chez Carrefour. Hein. Carrefour, j'en profite pour plugger une autre réussite française. Ouais. On n'est jamais au bout des produits dérivés qu'on pense qu'on a vus. Je sais pas si c'était une phrase, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Attention, et vous allez voir donc la vidéo, grosso modo, c'est un pelé holographique chez Carrefour dans le rayon des produits laitiers. Allez, bonne chance et bonsoir. On est sur le vertical, là, mais... Bon, mais c'est pas... Il y a vraiment une hologramme. C'est donc bien louche, ça. C'est là que ça va, surtout, là. Ça va, ouais, à quoi? Quand en metteur, tu le mets dans un produit laitier, dans un... Casa Brasilia. Mais c'est pas un hologramme, c'est pas 3D. C'est le roi Pelé. Hein. Tu remarques la couronne aussi, c'est une analogie. Hein? C'est un roi. C'est le roi du soccer. C'est drôle, c'est un noir, puis il est roi. Ouais, c'est bizarre. C'est comme Bokassa. C'est un empereur, c'est vrai, c'est pas un roi. Hey, ça veut dire que c'est la fin de ta chronique, mon cher ouais, David? Puis comme j'ai remarqué, tu m'as parti ça avec un petit générique de chat. Oui. Ben, je t'ai amené une petite photo de chat d'une amie, donc Nicole, qui habite au Brésil et qui nous a envoyé une photo de son chat. C'est de plus en plus pertinent. Fan ça. De la Coupe du Monde. Oh, on a du contenu original. C'est clair. Jour après jour. Collecté bon. Sur le Brésil. On et salue voilà. ton ami. Et en tout cas. On se fout de tout ça, c'est réussi, David. Yes! Hey, vous êtes à 70%. Elle n'est pas trop loin. On va écouter, en fait, c'est notre chum Yannick tantôt qui a amené des clips, on a oublié de les passer là parce qu'on les gardait pour la fin. Une petite compilation de choses qui explosent, puis on vient pour finir l'émission à 70%. Allez pas trop loin, merci. Hello, hello. Ahana! Nombe! Bundante! ある雪景色の美しい昼下がり、ミルクシーフードを食べようとするスーダン。そこへ、チーズ星人、ペッパー星人、容器に現る。 Ah ouais, c'est le fromage. En fait, je suis en train de terminer le 70% de cette journée pendant qu'on a un montage de japonaiserie. Merci beaucoup à Étienne Forêt. Ça a été un plaisir incommensurable de t'avoir avec nous aujourd'hui. Penses-tu qu'il va y avoir d'autres... Non. L'hôtel espresso, hein? Pouf, en tout cas, on va laisser du temps passer. C'est ça, un top 8. Merci à Mathieu Boudreau. Ouais. Merci à David Saïd, parce qu'on s'en fout, et merci beaucoup à Yannick d'être passé. C'est lui qui nous a amené le clip qu'on est en train de regarder. Ça termine très bien l'émission, et allez pas trop loin, parce que dans à peu près 3-4 minutes, je vais vous parler du long-métrage de ce soir. Ça va être précédé d'un extrait du long-métrage de ce soir. Ça va être fabuleux. Ça a l'air excellent ce soir. Oui, oui, c'est une dramatique de Jeannette Bertrand de 1991. C'est empreint de l'esprit de ce temps-là. En tout cas, allez pas trop loin, on est à 70%. Merci beaucoup tout le monde. 玄関において、お外でゴキブリ退治コンバット。 オンラインゲームはネクション。 今日ご紹介するのはテイルズウィーバー。今回はこれだけのストーリーとさらに主人公をこんなにズッケってなんと0円。オンライン RPG テイルズウィーバーバトルワープ。 クエクエクエチョコボール。 よ。 これが絶対に曲がるスプーンだ。 声優、皆さん、下げときましたよ。 開けたら始まる。 コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。ニュー、ポンチじゃないよ、コンソメパンチ。うまさが効いてるコンソメパンチ。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。ニュー。コンソメ、コンソメ、コンソメパンチ。パンチで元気、コンソメパンチ。 カルビ ー。新しい先生来た。 この惑星の子供たちと呼ばれる存在には、 おはようございます。 超授業でありんや。 そう、 全身でぶつかっていかなくてはならない。 はい、もしよかったら付き合って。 声が小さい。 ただ、 うん、教師としてあるまじき教育 だった この惑星の教育は加減が難しい。 でも君はいい教師になる。 缶コーヒーのボス、レインボーマウンテン。 穴吹工務店キャンペーンガールは良い子のみんなもよく知っている穴吹金ちゃん。おや、森の動物たちも集まってきましたよ。みんなで元気に呼んでみましょう。 夢が膨らむサーパスマション、期待が膨らむサーパスマション、胸も膨らむ膨らむ膨らむ、 わお、 サーパスマション。 穴吹工務店。 いいじゃん。 ダメ。 なんで。 もうちょっと待って。 あと何秒ぐらい。 犬苦手なんだよ。 ちょっと待って。ちょっと待って。 あっち打て。 怪我ない。 おかげさまで。 メン。 Team!